بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 82 dans le livre de Cheikh Salih Mohammed bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, qui est le Sharh de Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre Faslun. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Donc ici le Cheikh il va commencer le chapitre sur الإيمان باليوم الآخر, c'est-à-dire la foi en le jour dernier. D'accord. Et une traduction du texte. Donc ça peut être utile. Donc le Cheikh Ibn Salih Al-Uthaymeen, Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce chapitre? Il commence en disant, et nous croyons que le jour dernier, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour qu'après ce jour-là, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, après ce jour-là, il n'y a pas d'autre jour par la suite. Et c'est lorsque les hommes seront ressuscités, vivants, pour demeurer pour toujours par la suite, pour rester jusqu'à l'éternité. Soit dans la demeure des délices, ou soit dans la demeure du châtiment douloureux, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Et dans la traduction de Dar Salam de ce chapitre, ils ont traduit de la façon suivante: et nous croyons au jour dernier, qui est le jour de la résurrection, sans lendemain, c'est-à-dire il n'y a pas de jour après ce jour-là. Puis les gens seront ressuscités en ce jour pour demeurer éternellement par la suite, soit dans la demeure des délices, le paradis, soit dans la demeure du châtiment douloureux, l'enfer. Donc ça c'est le texte. Maintenant le Cheikh Ibn Uthaymeen il fait son charh, il fait le charh de son propre livre et il dit: هذا أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهو الركن الخامس منها. يقول المؤلف هو يوم القيامة ثم بين وجه وصفه بالآخر فقال الذي لا يوم بعده فهو آخر مرحلة لأن الإنسان له مراحل: المرحلة الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة فهي المرحلة الأخيرة ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثوى الأخير أو إلى مثواه الأخير لأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. لو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا, لأن من قال إن المثوى الأخير هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا. ومع الأسف أن هذه الكلمة شائعة بين الناس, فكثيرا ما نسمعها في الصحف وغير الصحف, وهذا غلط. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah il explique maintenant que la foi en le jour dernier c'est le sixième parmi les piliers de la foi. Et lorsque dans le hadith de Jibril est venu puis il a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, il lui a demandé qu'est-ce que c'est la foi, mal iman, et akhbirni anil iman, il lui a dit c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et ça donc ici la foi en le jour dernier c'est le cinquième parmi les piliers de la foi. Et l'auteur, en parlant du cheikh, il parle de lui-même parce que c'est lui l'auteur, il dit c'est le jour de la résurrection. Puis ensuite, il explique pour quelle raison ce jour-là a été qualifié de dernier jour. Pourquoi on dit le jour dernier? Et il explique que c'est parce que c'est le jour qu'après ce jour-là, il n'y en a pas d'autres qui viennent par la suite. C'est le dernier de tous les jours. Et donc, c'est la dernière étape de l'être humain. Parce que l'être humain, il passe par quatre étapes. D'accord? La première étape, c'est lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. La deuxième étape, c'est lorsqu'il entre dans cette vie d'ici-bas, dans ce monde, dans cette dunya. La troisième étape, c'est lorsqu'il meurt, il entre dans le barzakh. Al-barzakh, c'est l'étape intermédiaire entre cette vie dans ce bas monde et l'au-delà, la résurrection. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-barzakh. Et al-rabi'a, la quatrième étape qui est la dernière, c'est le jour de la résurrection. Et cette étape-là, c'est elle qui est la dernière. La résurrection, c'est elle qui est la dernière. Il dit le cheikh qu'il y a des gens qui font l'erreur parfois de dire lorsque quelqu'un meurt, il est parti à sa dernière demeure. Et ça, c'est une erreur parce que la tombe, ce n'est pas la dernière demeure de quelqu'un. Il y a quelque chose après la mort. Il y a la résurrection. Et c'est la résurrection qui est la dernière étape, hein, la dernière demeure d'une personne. Donc le cheikh, il dit, si quelqu'un disait cette parole, hein, si quelqu'un dit cette parole et qu'il croyait réellement que c'était la tombe était la dernière demeure de quelqu'un, il serait kafir. Il serait considéré comme étant kafir. Pourquoi? Parce que en disant que la tombe est la dernière demeure, c'est comme s'il disait qu'il n'y avait pas de résurrection. Et donc, par conséquent, il serait mécréant parce que celui qui nie la résurrection n'est pas musulman, n'est pas croyant. Et malheureusement, c'est une parole ou une expression qui est devenue populaire. Les gens, ils répètent ce genre d'expression-là. Et beaucoup de gens, par exemple, le cheikh dit, on l'entend dans les journaux, on la voit dans les journaux, dans les médias, et autres que dans les médias aussi. Et il dit ça, c'est une erreur de répéter ça. Et ensuite, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لأن الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. Donc le cheikh, il dit ensuite que nous croyons, hein, quand il dit nous croyons en le jour dernier, il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son livre et le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans sa sunna. Et il dit, et souvent quand tu regardes dans les textes, dans le Coran ou dans la sunna, tu vas constater que la mention de la foi en le jour dernier est souvent relié et associé à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple un verset dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc la foi en Allah est associée et reliée à la foi en le jour dernier. Et la raison de ça, on le retrouve beaucoup dans le Coran et dans la Sunna aussi. Et la raison de ça, le cheikh, il l'explique, il dit c'est parce que la foi en le jour dernier, c'est ce qui fait que l'être humain c'est ce qui pousse l'être humain à se forcer à faire des bonnes œuvres et à se précipiter à faire le bien et à s'écarter du mal, parce qu'il sait qu'il y a une rétribution complète qui l'atteint au jour de la résurrection. Par conséquent, il doit donc faire ses efforts pour essayer de faire le bien et de s'écarter de ce qui est mauvais. Et le cheikh, il dit ensuite, واليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به الموقف قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يعني ما فيه من الحساب والموقف والشدة. Donc ici le cheikh explique que le jour dernier, c'est qu'est-ce qu'il y a après l'établissement de l'heure du jugement, hein, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à يعني sans fin par la suite. Il a abad il abad, ça veut dire jusqu'à jamais, jusqu'à toujours, jusqu'à l'éternité. Et ça veut dire qu'à partir du jugement dernier, à partir de la résurrection et de l'heure du jugement dernier, jusqu'à l'éternité, sans fin, l'infini, hein, jusqu'à l'infini. C'est ça que ça veut dire abad al abad, jusqu'à l'infini. Et il dit, tandis que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, c'est-à-dire dans un jour dont la durée ou la mesure est de 50 000 ans, ça fait référence à quoi? Ça fait référence non pas à tout ce qui, à l'au-delà de façon générale, parce que comme on vient de l'expliquer, qu'est-ce qu'il y a après la mort ou après l'heure du jugement, c'est l'infini. Il n'y a plus de fin, d'accord? Donc quand on parle de 50 000 ans, c'est uniquement le mawqif. Al-mawqif, c'est-à-dire lorsque les hommes sont ressuscités et qu'ils sont debout en train d'attendre le jugement, hein? Et qu'est-ce qui va se produire également avant que les gens du paradis entrent au paradis et avant que les gens de l'enfer entrent en enfer. Donc il y aura pendant cette période le jugement, l'attente et toutes les difficultés et les choses effrayantes qui ont été mentionnées dans la sunna et dans le Coran à ce sujet-là. Et le cheikh il dit wa qawluhu حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم حين يبعث الناس للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. Donc il dit lorsque le cheikh il mentionne lorsque les hommes seront ressuscités vivants pour demeurer soit dans la demeure des délices, soit dans la demeure du châtiment douloureux, lorsque les hommes seront ressuscités pour demeurer jusqu'à l'infini, sans fin. Ensuite, le cheikh il continue donc la suite du texte. فَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَهُوَ إِحْيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَوْتَى حِينَ يَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ فِي الصُّورِ النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc ensuite le cheikh il dit nous croyons en la résurrection, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts. Tous ceux qui sont morts depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter et va les faire revivre. D'accord? Et ça c'est lorsque l'ange Israfil va souffler dans la corne, va souffler dans la trompe, et ce jour-là, après le deuxième coup de la trompe, les âmes vont se lever, sortir de leur tombe. Donc le verset que le cheikh a cité, c'est les versets 68 et 69 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et on soufflera dans la trompe une première fois, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ceux que Allah voudra épargner. » Donc ça, c'est le premier coup. Le premier coup du clairon ou bien de la corne ou de la trompe, peu importe comment on le traduit, c'est dans le sens que c'est un objet ou un instrument dans lequel Israfil, alayhi salam, va souffler. Donc le premier coup, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté celui que Allah a voulu épargner. Puis il va souffler une seconde fois, et les voilà qui seront debout à regarder. Hein? Ils vont être debout en train de regarder. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Le Cheikh, il dit, par rapport à ce passage, il dit فَالْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ هُوَ إِحْيَاءُ اللَّهِ الْمَوْتَى حِينَ يَنْفُخُ إِسْمَ إِسْرَافِيلَ فِي الصُّورِ النَّفْخَةَ الثَّانِيَةَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاءً وَإِسْرَافِيلَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْمَلَائِكَةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما جاء بما فيه حياة فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض Donc ici le Cheikh ensuite il explique que la résurrection c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts au jour de la résurrection peu importe leur état peu importe leur situation dans laquelle ils sont qu'ils soient devenus de la terre ou de la pierre ou du fer, ou du métal, ou peu importe. Hein? Peu importe dans quoi leur corps a été transformé après leur mort, ils vont être recréés par Allah subhanahu wa ta'ala et ressuscités, hein, vivants. Et c'est lorsque l'ange Israfil va souffler le deuxième coup dans la trompe. Et les hommes vont sortir de leur tombe vivants, c'est-à-dire tous les êtres humains qui ont été vivants depuis le début des temps, depuis Adam jusqu'au dernier des hommes, ils vont tous ressusciter. Et Israfil, c'est un ange parmi les anges, et c'est un des trois anges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le doua dans lequel il débutait les prières de la nuit. Quand il faisait les prières de la nuit, il faisait un doua. Et au début de ce doua-là, il disait « Oh Allah, le Seigneur de Jibra'il, de Mika'il et de Israfil. » Et le Cheikh, il dit « Et pour quelle raison, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son doua, il mentionnait ces trois anges-là seulement ?» Eh bien, il dit que parce que chacun de ces anges est chargé de quelque chose qui est relié à la vie. Et il donne des exemples. Il dit, Jibril, par exemple, lui, il est chargé de la révélation. Et la révélation, c'est ce qui donne la vie au cœur. Tandis que Israfil, lui, il est chargé de souffler dans la trompe au jour de la résurrection. Et ça, c'est ce qui donne la vie au corps au jour de la résurrection. Et Mikaïl, lui, il est chargé des gouttes d'eau et des plantes. Hein? Et ça, c'est... qu'est-ce qui donne la vie à la terre? Tu voulais poser une question? Au début, quand quelqu'un fait les prières de nuit, il débute les prières de la nuit, quand il commence sa prière, il mentionne ce doua-là. Après, il peut faire pendant la prière, ou bien il peut le faire dans la nuit, n'importe quel moment. Allahumma Allahumma Rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Alim al-Ghaybi wa Shahada Allahumma Rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Alim al-Ghaybi wa Shahada Anta tahkumu bayna ibadika fima hum fihi yakhtalifun Après la fin, je ne me souviens plus bien comme il faut. Mais ça dit par exemple ihdini limakhtulifa fihi min al haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila sirat al mustaqim c'est quelque chose dans ce sens là ou comme a dit le rasoul sallallahu alayhi wa sallam je me rappelle pas précisément mais si tu veux par la suite après le dars on pourra vérifier puis je te donnerai le texte exact ensuite le Cheikh il explique il dit wa qawluhu hina ينفخ إسرافيل النفخة الثانية. أفادنا المؤلف أنه ليس هناك إلا نفختان، النفخة الأولى فيها الفزع ثم الصعق، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون في قوله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. المراد بها النفخة التي فيها الصعقة، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. نعم. Donc le cheikh il dit lorsque l'ange Israfil va souffler le deuxième coup dans la trompe. Et ça nous fait comprendre, tel que l'auteur le dit, qu'il n'y aura que deux coups de trompe, deux coups de clairon. Le premier coup, c'est Al-Faza, ou bien on peut l'appeler Al-Sa'q, parce que dans un verset, Allah il l'a mentionné comme étant Al-Faza, la grande effroi, et dans le deuxième verset, Al-Sa'q, le foudroiement. Et le deuxième coup, c'est lorsqu'il y a la résurrection et que Allah fait revivre les morts. Et il mentionne donc dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, verset 68, dans Surat Az-Zumar, et on soufflera dans la trompe, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sera foudroyé, excepté celui que Allah aura voulu épargner. Puis on soufflera un deuxième coup ou un autre coup, et voilà qu'ils seront debout et en train de regarder. Et il dit le cheikh, et donc dans l'autre verset de Surat An-Naml, verset 87, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et le jour où on soufflera dans la trompe, alors يعني ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Et donc tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront effrayés, seront pris d'effroi, excepté celui que Allah a voulu, et ils viendront à lui tous soumis. Et le cheikh il dit que ça ici, ça veut dire que le premier coup, c'est le coup dans ce coup-là, yani le coup dans lequel les hommes seront foudroyés, eh bien c'est lorsque les hommes vont être pris d'effroi et qu'ils vont avoir peur. Pourquoi ils vont avoir peur? Parce qu'ils vont entendre ce son, extrêmement fort dans les cieux, et sur la terre, et c'est un son tellement immense qu'ils vont tous être foudroyés à ce moment-là. Et c'est pas un son que tu peux comparer à n'importe quel autre son que tu as déjà entendu parmi les sons de la dunya. C'est plus fort que ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tout ce qui est vivant va mourir parmi les hommes et les anges et les djinns et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, excepté celui que Allah a voulu épargner. D'accord? Et donc, c'est l'effroi, Al-Faza' et Al-Sa'qa, les deux c'est la même chose. Et il dit ثُمَّ يَمُوتُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc ils vont tous mourir excepté celui que Allah a voulu. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى أَفَادَتِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَفَادَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَنَّ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَهْلَةٌ أو مَهْلَةً لِأَنَّ ثُمَّ تفيد الترتيب والتراخي. وهذه المهلة قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه فيها رواه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينهما 40. فسألوه: 40 يوما أو سنة أو شهرا؟ كلما قالوا شيئا قال: أبيت، يعني إني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 40 وسكت، فالله أعلم بذلك. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, puis on va souffler un deuxième coup ou un autre coup. Et ça, ça nous indique une chose, qu'il y a entre les deux coups une pause. Il y a une pause entre les deux. Et pourquoi on peut dire ça? Parce que le terme en arabe thumma, ça indique qu'il y a un ordre et qu'il y a un délai entre les deux. Et donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pause entre les deux. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a rapporté que, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et c'est rapporté également dans Muslim, que Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les deux coups, il y a 40. Et ils lui ont posé la question, ils ont posé la question à Abu Huraira, est-ce que c'est 40 jours ou 41 ou 40 mois? Et à chaque fois, il disait « Abaytu ». Donc il lui disait « Est-ce que c'est 40 jours ?» Il disait « Abaytu ». « Est-ce que c'est 40 ans ?» Il disait « Abayt ». Et « Est-ce que c'est 40 mois ?» Il dit « Abayt ». Et à chaque fois qu'il demandait quelque chose, il disait « Abaytu ». C'est-à-dire « Je ne vais pas vous dire, je refuse de vous dire ce que c'est, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement dit 40 et il s'est tu. » Donc il n'a pas mentionné les détails. Est-ce que c'est 40 minutes, 40 secondes, 40 heures, 40 jours, 40 semaines, 40 mois, 40 années? On ne sait pas. Allahu a'lam. Après, le cheikh il continue donc avec le texte. Il dit: ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Donc ici ensuite le cheikh Ibn Uthaymeen il continue donc son explication ou sa clarification du sujet, et il dit que les gens vont être debout, vont se lever de leur tombe le jour de la résurrection devant le Seigneur des mondes. Ils seront nu-pieds sans sandales, ils seront nus sans vêtements, et ils seront yani comme Allah les a créés, c'est-à-dire ils ne seront pas circoncis. Ghurlan, c'est-à-dire ils ne seront pas circoncis. D'accord? Et il a cité le verset dans Suratul Anbiya, le verset 104. Il dit dans ce verset ce qui signifie: tout comme nous avons commencé la première création d'eux-mêmes, nous la répéterons. C'est-à-dire on va la refaire encore. De la même façon qu'on l'a fait la première création, on va la refaire encore. Et c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. D'accord? Donc ça c'est par rapport à ce passage là ensuite le cheikh il l'explique. Sourate Al-Anbiya, le verset 104. Le cheikh il dit: wa idha nazarta ila awwal bad' al-khalq wajadta anna al-insana yakhruju min batn ummihi hafiyan 'ariyan aghral ay na'am, c'est pas facile à prononcer. Bon, aghral. Et il dit: fa hum yuhsharuna bila ni'al wa 'uratan bila thiyab wa ghurlan غير مختونين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهم يحشرون بلا نعال عراة بلا ثياب وغرلا غير مختونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. وهل الإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه؟ الجواب نعم. يعني كليته أو كليته كليته. الجواب نعم، ولكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شرع بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده لأن الإنسان يعاد بجميع أجزائه حتى من قطعت يده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه فلا بد أن يعاد كما خلق. Donc le cheikh il dit que lorsqu'on regarde par exemple la première façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, on trouve que lorsqu'il sort du ventre de sa mère par exemple, eh bien quand il sort du ventre de sa mère, il est nu-pied, il est nu et il est pas circoncis. Hein? C'est comme ça quand il sort du ventre de sa mère la première fois. Et donc, au jour de la résurrection, quand ils vont être ressuscités, eh bien ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont être ressuscités sans chaussures dans ses pieds, sans sandales. Il va être nu sans vêtements et il va pas être circoncis. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre tout ce qui avait été enlevé pendant sa vie. Et donc le cheikh il pose la question. Il dit et donc si quelqu'un on lui a enlevé ses reins, on lui a enlevé un rein, est-ce que il va être rendu ce rein? Hein? Des fois on enlève un organe ou quelque chose hein, dans le corps. Alors, est-ce que ça va lui être rendu? Parmi les exemples que le cheikh il explique, il dit, oui, ça va être rendu ça aussi. Et il dit, peut-être que quelqu'un pourrait s'objecter ou dire, non, c'est pas la même chose. Parce que le rein, il a été pris sans permission de la charia. Contrairement à la peau qui a été enlevée, hein, qu'est-ce qu'on appelle en français le prépuce, hein, la peau qui est enlevée lors de la circoncision, ça c'est pris selon l'ordre d'Allah et de son messager, tandis que le rein ou le foie ou je sais pas le poumon ou les organes qu'on a enlevés, c'est pas pris selon la permission de la charia. Sauf que lorsqu'on regarde le sens apparent du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans ce qui signifie comme on a débuter la création la première fois, on va la refaire. Et donc le cheikh il dit ça implique que l'être humain il va retrouver tous ses membres et toutes ses parties de la même manière qu'il les possédait la première fois. Donc celui dont la main a été coupée ou la jambe elle a été coupée ou bien ses membres ont été séparés, il a été démembré ou des choses comme ça, eh bien il faut qu'au jour de la résurrection il soit rassemblé et refait de la même manière qu'il a été créé la première fois. Hein? Donc le cheikh dit فَإِنْ قَالَ قَائِلْ كَيْفَ يَتَحَمَّلُونَ أَنْ يَبْقَوْا خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ وَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُمْ عُرَاتٌ قُلْنَا أَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ أَحْوَالَ الْأَبْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليست كأحوالها في الدنيا بل يعطيها الله من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون في الدنيا ولهذا تدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعرة واحدة لأحرقت الأرض كلها بمن عليها أما كون الرجال والنساء في مكان واحد فقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سبحان الله أعاننا الله وإياكم من على هذا. Donc le cheikh il explique, il dit, il mentionne une autre question, il dit Comment est-ce que ça va être possible pour les hommes, au jour de la résurrection, de rester debout pendant 50 000 ans, sans vêtements, sans sandales, et complètement nus, et de se tenir comme ça debout? Yani, dans cette dunya, si tu demandes à quelqu'un, par exemple, de rester en ligne pendant une heure ou deux, des fois, on va quelque part, on nous fait attendre en ligne, soit à la banque, ou bien chez le médecin, ou je sais pas, à un autre endroit, des fois, ils nous font attendre en ligne. Et comme, yani, peut-être, on va rester 20 minutes ou 30 minutes, et on commence déjà à avoir de la fatigue dans les jambes, fatigue dans le dos, fatigue, yani, dans notre corps, il peut plus supporter. Hein? Donc, si on n'est pas capable de rester debout juste quelques heures, comment quelqu'un pourrait supporter de rester 50 000 ans debout? Hein? Et le cheikh, il explique la réponse à cette question. Hein? Donc, et aussi, l'autre question qu'il a posée, c'est comment, et également, comment est-ce que les hommes et les femmes vont être ensemble et ils vont être complètement nus les uns collés avec les autres et qu'ils seront dans un même lieu et qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de tentation ou des fitanes ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes, s'ils sont dans un endroit et qu'ils se voient les uns les autres, même avec des vêtements, des fois ils ont des tentations. Alors, comment on peut expliquer ça? Et le cheikh, il répond à cette question-là en disant que, en ce qui concerne la première question, eh bien, il faut comprendre que l'état des corps au jour de la résurrection, elle n'est pas comparable à la situation des corps dans la vie d'ici-bas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va donner au corps plus de force et plus d'endurance pour être capable de supporter, hein, ce qu'il va devoir subir. Des choses qu'il ne pouvait pas faire dans cette vie d'ici-bas. Et il donne comme exemple qu'au jour de la résurrection, le soleil va être rapproché d'une très proche distance et ils ne vont pas brûler malgré ça. Tandis que dans ce bas monde, le cheikh, il dit que si le soleil déviait de sa trajectoire d'un seul cheveu, hein, de la distance d'un cheveu, hein, eh bien, tout ce qui est sur la surface de la terre serait brûlé. Alors, on ne peut pas comparer la situation de cette dunya et la situation du jour de la résurrection. Il dit, en ce qui concerne le fait que les hommes et les femmes seront ensemble, réunis, et qu'ils seront nus, hein, et que comment ils vont faire dans ce cas-là pour résister les uns aux autres, des choses comme ça, eh bien, le cheikh, il dit que ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cette question-là, parce que Aïcha, radiallahu anha, elle lui a posé la question, hein, comment les hommes et les femmes vont être nus et ils vont être ensemble, ils vont se regarder les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, la chose est beaucoup plus grave que ça. La situation est beaucoup trop grave pour que les gens soient préoccupés par ce genre de futilité. C'est-à-dire qu'ils vont même pas penser à d'autres choses que qu'est-ce qui les attend dans l'au-delà et leur jugement. Ils vont tellement être préoccupés par ça que yani, toutes ces distractions ou ces choses de la dunya, ils ne vont même pas y penser. Et comme le cheikh il a cité l'exemple du verset 37 dans sourate Abasa, لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِي. C'est-à-dire que chaque personne, ce jour-là, il aura une affaire qui va lui préoccuper, hein, et qui va être plus grave et plus importante pour lui. Et donc, il va se préoccuper de son affaire à lui. De chacun va se préoccuper de sa propre préoccupation. Hein? Subhanallah. Donc, il dit que Allah nous aide, hein, à pouvoir supporter ces choses. Et il dit ensuite, wa qawluhu ta'ala wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin fa'akkada Allah dhalika bi'amrayn bi'annahu wa'dun wajibun 'ala Allah فَلَمْ يَقُلْ وَعْدًا مِنَّا بَلْ قَالْ وَعْدًا عَلَيْنَا وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رميم فقال الله وعدا علينا أي ثابت واجب علينا ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء أما نحن فلا نوجب على الله شيئا وإنما نؤمن بأن الله على يعني بأن الله وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو على نفسه قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وقال تعالى كتب على نفسه الرحمة ليجعلنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهنا قال وعدا علينا فأوجب الله هذا الوعد عليه سبحانه وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين إنا كنا فاعلين أكد هذا الفعل حيث أتى به مؤكدا بإن وأتى به باسم الفاعل فاعلين ولم يقل إنا كنا نفعل فيعني لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه لا بد منه. Donc ici le cheikh ensuite il explique que par rapport à ça, comme c'est mentionné dans le verset 104 dans Sourate Al-Anbiya, hein, comme nous avons créé, comme nous avons commencé ou débuté la création la première fois, nous allons la refaire. C'est une promesse qui nous incombe, hein, et il dit nous allons certes le faire, hein, nous allons faire certes le faire. Nous allons certes l'exécuter. Et ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé cela par deux choses. Premièrement, que c'est une promesse qui est obligatoire pour lui. Il n'a pas dit que c'est une promesse de notre part. Il a dit que c'est une promesse qui nous incombe. Comme s'il s'est imposé cela à lui-même. Et donc, ça, c'est comme s'il a confirmé qu'il est, il a la capacité de le faire et que c'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même. Et il dit ensuite, inna kunna fa'ilin. Certes, hein, nous sommes, hein, nous allons l'exécuter, nous allons le faire. Alors que le cheikh il dit les kuffars, il pose la question, qui fait revivre les ossements une fois qu'ils sont hein, pourris ou bien une fois qu'ils sont pourris dans la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, il dit. Wa'dan alayna, c'est une promesse qui nous incombe, hein? C'est-à-dire que c'est quelque chose de certain, de déterminé, d'établi. C'est obligatoire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rendu cette chose-là obligatoire à lui-même. Et il dit que nous ne pouvons pas imposer ou rendre quoi que ce soit obligatoire à Allah. Mais nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala peut se rendre à lui-même des choses obligatoires s'il veut. Et comme il le mentionne dans le verset 17 dans Sourate An-Nisa, il dit Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il s'est imposé à lui-même ou s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Hein? Que quiconque commet quelque chose de fait un acte qui est mauvais par ignorance, puis qu'il s'est repenti par ignorance, c'est-à-dire par insouciance, hein? Et qui s'est repenti par la suite. Et dans l'autre verset, le verset 12 dans Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il s'est imposé ou bien il s'est prescrit à lui-même la miséricorde qu'il va tous vous rassembler au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et il dit donc dans l'autre verset, dans Sourate Al-Anbiya, le verset 104, c'est une promesse qui nous incombe. Donc Allah, il s'est imposé à lui-même cette promesse-là et c'est le plus véridique de ceux qui parlent et il est le plus celui qui respecte le plus ses promesses. Personne ne respecte mieux ses promesses que Allah et il dit et nous allons certes le faire et ça c'est confirmé par le verbe. Hein? Il dit le verbe et le harf également inna qui est également utilisé en arabe pour confirmer quelque chose ou rajouter de la force à quelque chose, et également le ismu fa'il, fa'ilin. Hein? Certes, nous allons le faire. parce que l'ismu fa'il c'est plus fort encore que hein, le fait de dire par exemple on va le faire cette chose là. Inna kunna fa'ilin, c'est-à-dire c'est comme si Allah dit on va exécuter cela, hein, et ça doit se produire de façon certaine et absolue, il n'y a pas de doute sur cela. Ensuite le cheikh il dit, ensuite il continue l'explication de ce qui se passe au jour de la résurrection. Il dit wa nu'minu bi sahaifil a'mal tu'ta bil yamin aw min wara'i dhuhuri bil shimal. Et il cite le verset fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Donc il commence par ces versets là après la suite il dit wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Donc on va commencer par ça. Le cheikh il mentionne, il dit, et nous croyons également en les livres dans lesquels les œuvres seront écrites, et le livre sera donné par la main droite et ou bien par la main gauche derrière le dos, hein, ou bien par la main gauche derrière le dos. Et il cite les versets dans sourate, et ça c'est sourate Al-Inshiqaq, hein, dans lesquels c'est les versets 7 à 11 jusqu'à 12, 7 jusqu'à 12. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: celui qui recevra son livre dans la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il appellera la destruction sur lui-même et sera introduit dans un feu ardent. Naam. Donc le cheikh il mentionne à propos de ces versets là. Oui, donc on va expliquer ça en premier, après on va continuer. Le cheikh il dit wa qawluhu, donc sahaif al-a'mal hiya allati kutibat fiha al-a'mal fa kullu shay'in yuktab. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Donc le cheikh dit que les livres des œuvres, tout est écrit dedans parmi les actions, et toute chose sera écrite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18 dans sourate Qaf, il n'y a pas une parole qui est prononcée excepté qu'il y a un scribe qui surveille et qui écrit, hein, tout. Et dans le verset 49 dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: tu verras les criminels effrayés de ce qu'ils vont y trouver. C'est-à-dire les criminels, ils vont voir leurs livres et ils vont être effrayés, ils vont avoir peur de ce qu'ils vont trouver dans leurs livres, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie comme crime, comme péché, comme désobéissance, comme perversité. Et donc tu vois les criminels, quand ils reçoivent leurs livres, ils sont effrayés de ce qu'ils vont trouver dedans et ils disent: malheur à nous. Hein? Malheur à nous. Ce livre-là, qu'est-ce qu'il a à ne rien laisser, ni de petit, ni de grand, excepté qu'il l'a enregistré dedans. Et ils vont trouver ce qu'ils ont fait comme action présent devant eux, et Allah ne fait d'injustice à personne. C'est-à-dire, ils sont étonnés de voir à quel point le livre, il a mentionné chaque détail, chaque chose, que ce soit petit ou grand. Hein? Tout a été enregistré dedans. Et le cheikh il dit: فهذه الكتب يوم القيامة تنشر وتفتح للإنسان. قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Donc, le cheikh, il explique, il dit que ces livres-là, au jour de la résurrection, seront ouverts, hein, seront divulgués et ouverts devant, devant eux, devant chaque personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 et 14 dans Surat al-Isra, hein, et on va leur faire sortir au jour de la résurrection des livres qu'ils vont trouver ouverts. Et on va le, on, ils leur seront dit, lis ton livre, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Tu peux te faire des comptes à toi-même aujourd'hui. Et dans le verset, dans Surat al-Zukhruf, verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs paroles secrètes et leurs paroles qu'ils disent à voix basse, hein? Il dit le verset par la suite, certes, nos messagers étaient auprès d'eux et ils écrivent. Hein? Nos messagers sont auprès d'eux et ils écrivent. Ça veut dire que les anges écrivent tout ce que l'être humain fait. Même si qu'est-ce qu'il dit c'est en secret ou à voix basse, hein, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend et il le sait, et les anges, eux, l'écrivent. Et même dans, dans le Coran, dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il est plus proche de lui, Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de lui que sa veine jugulaire, hein, par ses anges qui écrivent tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Non, non, c'est qu'est-ce qui est dit à voix basse, hein, ou en secret. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est dit en secret, à voix basse, ça c'est écrit. Mais qu'est-ce que tu dis en ton cœur, ça c'est Allah qui le sait, mais il n'est pas écrit. Non. Après, le cheikh il dit, وَهَذِهِ الصَّحَائِفِ تعطى باليمين تعطى باليمين قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وتعطى من وراء ظهره من وراء الظهور بالشمال قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله وقال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ف يعني وفهمنا من كلام المؤلف أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر أي نعم كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne ces livres dans lesquels les actions sont écrites, elles vont être données par la main droite, hein, ou les gens vont le recevoir par la main droite, comme Allah le mentionne dans le verset 19 dans Surat Al-Haqqa. Il dit, en ce qui concerne celui qui reçoit son livre par sa main droite, et d'autres, pour d'autres personnes, il va être donné par la main gauche derrière le dos. Hein? Il va être donné derrière le dos par la main gauche. Ils vont le recevoir par la main gauche, derrière leur dos. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat al-Inshiqaq, hein? Donc celui qui recevra son livre par la main gauche, et dans l'autre, ça c'est dans le verset 25 dans Surat Al-Haqqa et le verset 10 dans Surat Al-Inshiqaq, et celui qui recevra, tandis que celui qui recevra son livre par la main gauche, tandis que celui qui recevra son livre derrière son dos, et le cheikh il dit, on comprend de la parole de l'auteur, le cheikh Ibn Uthaymeen, qu'il n'y a pas d'opposition, hein. Il n'y a pas d'opposition entre le fait qu'ils reçoivent le livre par sa main gauche et qu'ils le reçoivent derrière son dos. Il dit parce qu'en réalité, la personne va recevoir le livre par la main gauche, mais sa main gauche va être tordue. Hein, sa main gauche va être tordue, il va le recevoir par derrière, hein, par le dos. Il dit de la même manière que dans cette vie d'ici-bas, il a c'est comme s'il avait lancé le livre d'Allah ou mis le livre d'Allah derrière son dos. Hein? Il n'a pas donné d'importance au Coran, il l'a mis derrière son dos. Et bien, de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner son livre de ses actions derrière son dos aussi, au jour de la résurrection, comme humiliation. Hein? Comme humiliation et honte pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, le shaykh, il cite ce verset-là. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَالْحِسَابُ الْيَسِيرُ هُوَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَا وَفَعَلْتَ كَذَا وَفَعَلْتَ كَذَا ويقر ولا يمكن أن ينكر حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى ممتنا عليه سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لاحقة ولهذا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا لو أننا فكرنا في الذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا أما لو نوقش الإنسان الحساب لهلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب أي صار مستحقا للعذاب. Donc le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne les versets dans sourate Al-Inshiqaq, hein, et pour celui qui reçoit son livre dans sa main droite, il va recevoir un jugement facile et il retournera heureux vers sa famille. Et il dit le cheikh que le jugement facile, hein, ça consiste à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, soit seul avec son serviteur, hein, il va être seul avec son serviteur croyant, il n'y a personne d'autre avec lui, et il va lui faire reconnaître ses péchés les uns après les autres, et donc il va lui dire tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et il va accepter, il va reconnaître, il n'est pas capable de, il ne pourra pas nier. Et donc, jusqu'au moment où il va penser que ça y est, c'est fini pour lui, il va périr. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, en mentionnant sa faveur sur lui, hein, il va dire, je te les ai couverts, hein, j'ai couvert ces péchés-là pour toi dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est une ni'ma, une grâce précédente. Et il dit, et aujourd'hui, je te les pardonne. Hein? Et aujourd'hui, je te les pardonne, ces péchés. Et donc, ça, c'est une grâce qui vient à la suite, c'est-à-dire qui vient après, dans l'au-delà. Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il va recevoir un jugement facile. Hein? Celui qui... il va avoir un jugement facile. Il dit si on réfléchissait, le cheikh il mentionne, si on réfléchissait sur les péchés que nous faisons sans que personne ne les voit ou ne sache, hein, ce qu'on a fait comme péché, eh bien on va constater que ces péchés là sont très nombreux, hein, très nombreux et grands. Et le cheikh il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala les a couverts par sa grâce et par sa noblesse, hein, il a couvert ces péchés là pour nous. Et il dit mais si un homme est questionné et on débat le jugement au jour de la résurrection, eh bien il va périr, ça c'est certain. C'est-à-dire, s'il n'a pas un jugement facile, si c'est un jugement dans lequel il y a des questionnements, hein, ou des vérifications ou des débats, eh bien là c'est sûr qu'il ne pourra pas être sauvé. Et c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit celui pour qui on va débattre, on va argumenter son jugement, c'est certain qu'il va être, châtié. Hein? Il dit, c'est sûr qu'il va mériter le châtiment. Et ensuite, il dit, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Donc, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. أَهْلُهُ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ لَهُ أَهْلِينَ. أَهْلِينَ فِي الْجَنَّةِ يَنْقَلِبُ إِلَيْهِمْ مَسْرُورًا. وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ حِينَ يَكُونُ كَذَلِكَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ السُّرُورُ. وربما يكون الناس في غم وهم لكن هو مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه، وهذا هو الترتيب العقلي. وأن يعطى الإنسان كشف الحساب، ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه ويناقش. فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب. Donc le cheikh il dit que ensuite il va retourner vers sa famille et il va être heureux, hein, dans le paradis. Il retrouve sa famille dans le paradis parce que il a des de sa famille qui sont au paradis. Donc il retourne vers eux heureux. Et selon le sens apparent du verset, c'est yani à ce moment-là que apparaît sa joie, hein, et son bonheur à ce moment-là. Et il dit, وَرُبَّمَا يَكُونُ النَّاسُ فِي غَمٍ وَهَمٍ. Peut-être que les gens ils vont être dans des soucis, des tracas, de l'anxiété. Et malgré tout, donc, lui, il est heureux. Lui, il est heureux par contre. Et il dit, on peut savoir de ce verset-là que le jugement va se produire après que les hommes reçoivent leur livre. Et il dit, et ça c'est l'ordre qui est logique. Pourquoi? Parce que l'être humain, il reçoit son relevé, hein, le relevé de son jugement ou les notes, hein, comme quand on reçoit notre bulletin dans cette vie d'ici-bas, on reçoit notre bulletin ou notre examen qu'on a fini, et après on peut demander au professeur, ou bien on va aller voir le professeur qui nous a corrigé l'examen. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'on a fait pas correct, ou des choses comme ça. Et il nous corrige, et il nous clarifie le jugement, ou des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit donc, au jour de la résurrection, Allah il nous donne notre livre, dans lequel il y a toutes nos œuvres, toutes nos actions, les bonnes et les mauvaises. Et donc la personne, elle peut réfléchir, méditer sur son livre, revoir des choses qu'elle a faites, et par la suite elle sera jugée sur ça, et s'il faut il va y avoir un débat ou discussion, puis donc c'est ça, c'est logique dans ce cas là qu'il reçoive son livre avant le jugement. Ensuite la fin du verset, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ويصلى سعيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il dit, tandis que celui qui recevra son livre derrière son dos, il appellera à sa propre destruction, et il sera introduit dans un feu ardent. Le cheikh il explique ça, et il dit, يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله. Donc ça c'est des exemples que le cheikh il mentionne pour dire que la personne elle va appeler à sa propre perte, à sa propre destruction. À mon malheur, à mon malheur, à ma honte, à mon humiliation, et ainsi de suite. Comme s'il appelle à ça parce qu'il sait qu'il a perdu en voyant son livre. Et la suite, le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 13 et 14 dans Surat al-Isra, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Donc le cheikh il explique ce verset, il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre. Hein? Donc ta'irahu, ça veut dire ses œuvres. Et il dit: et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit, hein, un livre qu'il trouvera déroulé, hein, manshura. Et on va lui dire: lis ton livre. Hein, aujourd'hui, tu suffis pour te demander des comptes à toi-même. Hein, tu es capable tu es suffisant pour te faire des comptes à toi-même avec ton livre. Parce que tu vois ce que tu as fait dedans. Et le cheikh, il explique ce passage-là et il dit: قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك يخرج له يوم القيامة كتابا منشورا مفتوحا فلا يكلفه فتحه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهذا غاية العدل والإنصاف أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتابه إذن نؤمن بالصحائف وأن الإنسان يؤتون إما باليمين وإما بالشمال وتأمل ما في سورة الحاقة قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه يريه الناس مفتخرا به ومتحدثا بنعمة الله عليه قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه يتمنى أنه هو لم يطلع عليه ولا يطلع عليه الناس لأنه خزي وعار والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, et je crois que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le cheikh il dit à chaque homme, hein, on lui a attaché son œuvre dans son cou. Et au jour de la résurrection, on va lui faire sortir un livre qu'il va trouver déroulé et ouvert. Et on lui dira: lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis, hein, pour te faire des comptes à toi-même. Et certains parmi les salafs ont dit, hein, certes, Allah, il t'a été juste. Hein, il a été juste envers toi du fait qu'il t'a mis comme juge sur toi-même avec ton livre. Hein? Il te fait sortir ce livre-là au jour de la résurrection. Tu arrives devant, il est déjà ouvert et déroulé. Tu n'as même pas besoin de l'ouvrir toi-même. Et il dit: lis ton livre. Aujourd'hui, tu es suffisant. Hein? Tu suffis pour te faire des comptes à toi-même. Alors il dit: ça c'est le plus haut point. Hein, le plus haut point de la justice, hein, le plus haut point de la justice, parce que il te montre tout ce que tu as fait, tu le vois devant toi, et donc tu es capable de te faire des comptes à toi-même et de juger, hein, ce que tu as fait et ce que tu mérites, basé sur ce qui est écrit dans ton livre. Donc nous musulmans, nous devons croire en les livres, hein, les livres de nos œuvres. Et que les hommes vont recevoir leur livre soit par la main droite ou soit par la main gauche. Et si on médite sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Haqqa, le verset 19, et tandis que celui qui va recevoir son livre par la main droite, eh bien il va dire, hein, regardez, hein, lisez mon livre, hein, lisez mon livre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va le montrer à tout le monde. Hein? Il va être fier. Et il va montrer à tout le monde son livre pour parler de la grâce que Allah lui a faite. Hein? En parlant de la grâce que Allah lui a faite. Donc, il est fier de ce qu'il y a dans son livre. Et il est heureux et il veut, hein, montrer à tout le monde la grâce que Allah lui a faite. Hein, dans le fait que dans son livre il y a plus de bien, il y a du bien dedans. Tandis que celui qui va recevoir son livre de la main gauche, eh bien lui, il va dire malheur à moi. Hein, j'aurais préféré ne pas recevoir ce livre. J'aurais préféré qu'on me donne pas ce livre. Et donc il souhaite que lui-même il ne lise pas ce livre-là et que personne d'autre également ne puisse le lire. Hein, peut-être qu'il est rempli de gêne et de honte et d'humiliation par rapport à ce livre-là. Donc il ne veut pas le voir lui-même pour se rappeler de ce qu'il a fait, et il veut surtout pas que les autres le voient. Hein? Wal'iyadhu billah. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh il a mentionné par rapport à cet élément qui fait partie de la foi en le jour dernier. Et on va s'arrêter, comme j'ai dit, on va s'arrêter ici. Et au prochain cours, inshallah, on continuera la suite des choses qui ont rapport avec la foi en al-yawm al-akhir, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإياكم إن شاء الله.